Première partie, chapitre 4e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 4e de la nécessité d'avoir un directeur pour entrer et pour marcher dans les voies de la dévotion. « Allez, dit Tobie à son fils, lorsqu'il voulut l'envoyer dans un pays inconnu à ce jeune homme, allez, cherchez quelque homme sage qui vous conduise. Je vous le dis aussi, Philothée, voulez-vous sincèrement entrer dans les voies de la dévotion, cherchez un bon guide qui vous y conduise. C'est là de tous les avertissements le plus nécessaire et le plus important. Quelque chose que l'on fasse, dit le dévot Avila, on n'est jamais sûr d'y faire la volonté de Dieu, qu'autant que l'on a cette humble obéissance que les saints et les saintes nous ont si fort recommandée et qu'ils ont eux-mêmes pratiquée si fidèlement. La bienheureuse mère Thérèse, sachant les grandes austérités de Catherine de Cordoue, fut touchée d'une sainte émulation, fort tentée de ne pas croire son confesseur qui lui en défendait l'imitation. Cependant, elle se soumit et après cela Dieu lui dit « Ma fille, tu marches par une voie qui est bonne et sûre. Tu estimais beaucoup cette pénitence et moi j'estime davantage ton obéissance. » C'est de là qu'elle s'attacha si fort à cette vertu, qu'outre l'obéissance qu'elle devait à ses supérieurs, elle s'engagea par un vœu particulier à suivre la direction d'un grand homme de bien, et elle en reçut toujours beaucoup d'édification et de consolation. C'est ainsi que devant elle et après elle tant de saintes âmes, pour se tenir mieux dans la dépendance de Dieu, ont assujetti leur volonté à celle de ses serviteurs. C'est cette humble sujétion dont sainte Catherine de Sienne fait l'éloge dans ses dialogues. Ce fut la pratique de la dévote princesse sainte Élisabeth, qui se soumit avec une parfaite obéissance à la conduite du savant Conrad. Et voici le conseil que Saint Louis donna à son fils avant de mourir. Confessez-vous souvent et choisissez un confesseur qui ait assez de science et de sagesse pour vous aider de ses lumières dans les choses nécessaires à votre conduite spirituelle. Un ami fidèle, dit la Sainte Écriture, est une puissante protection. Quiconque en a trouvé un trésor. La sûreté de la vie et l'immortalité y sont attachées. Et on le trouve quand on a la crainte de Dieu. Il s'agit ici principalement de l'immortalité, en vue de laquelle il faut tâcher d'avoir ce fidèle ami qui nous conduise dans toutes nos actions par ses conseils et qui nous fasse marcher avec sûreté à travers les pièges du malin esprit. Nous aurons en lui un trésor de sagesse pour éviter le mal et pour faire le bien d'une manière plus parfaite. De consolation pour nous soulager dans nos afflictions, de force pour nous relever de nos chutes, et de tous les remèdes les plus nécessaires à la parfaite guérison de nos infirmités spirituelles. Mais qui trouvera un tel ami? Le sage répond que ce sera celui qui craint Dieu, c'est-à-dire l'humble qui désire ardemment son avancement spirituel. Puisqu'il est donc si important, Philothée, d'avoir un bon guide dans les voies de la dévotion, priez Dieu avec ferveur qu'il vous en donne un qui soit selon son cœur. Et ne doutez pas que quand il devrait vous envoyer un ange, comme au jeune Tobie, il ne vous donne un sage et fidèle conducteur. En effet, ce doit être un ange pour vous, c'est-à-dire, quand Dieu vous l'aura donné, vous ne devez plus le considérer comme un simple homme. Ne mettez votre confiance en lui que par rapport à Dieu qui vous conduira et vous instruira par son ministère, en lui mettant dans le cœur et dans la bouche les sentiments et les paroles nécessaires à votre conduite. Ainsi, vous le devez écouter comme un ange descendu du ciel pour vous y conduire. Ajoutez à la confiance une fidèle sincérité, traitant avec lui à cœur ouvert et lui découvrant fidèlement le bien et le mal qui est en vous. Le bien en sera plus sûr et le mal plus court. Votre âme en sera plus forte dans ses peines et plus modérée dans ses consolations. Joignez un religieux respect à la confiance, et dans un si juste tempérament que la vénération ne diminue point la confiance et que la confiance ne fasse rien perdre du respect. Confiez-vous en lui avec le respect d'une fille envers son père et respectez-le avec la confiance d'un fils envers sa mère. En un mot, cette amitié, qui doit avoir de la force et de la douceur, doit être toute spirituelle, toute sainte, toute sacrée, toute divine. Choisissez-en un entre mille, dit Avila, et moi, je dis entre 10 000, car il s'en trouve bien moins qu'on ne pense qui soit capable de ce ministère. Il y faut de la charité, de la science, de la prudence. Et si l'une de ces trois qualités manque, le choix qu'on en fera ne sera pas sans danger. Je vous le dis encore, demandez un directeur à Dieu, et quand vous l'aurez trouvé, Bénissez-en sa divine majesté, tenez-vous à votre choix, sans en chercher un autre. Allez à Dieu en toute simplicité, avec humilité et confiance, car indubitablement, vous ferez un très heureux voyage. Fin du chapitre 4e. Première partie.